إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons بإذن الله تعالى le cours entamé la semaine dernière et qui a pour titre بعنوان la sunna est jointe à l'union et l'innovation au désaccord. On a cité An-Nusus, les textes prises du Coran et de la Sunna, qui nous prouvaient ce qui était avancé dans le titre. Et on a détaillé à travers d'abord une introduction, mais ensuite l'explication de ces textes. Et aujourd'hui, bi-idhnillah, nous allons continuer ce cours en citant quelles sont les causes de l'union. Quelles sont les causes de l'union ? أسباب التألف أسباب الائتلاف والاجتماع. Et donc on va citer plusieurs causes qui permettent donc aux musulmans de se rallier sur la vérité et d'être ensemble. على الحق ظاهرين. La première cause est la suivante. أهل السنة يمشون من حيث تمشيهم النصوص ويقفون حيث توقفهم النصوص فلا يزيدون على ذلك ولا ينقصون وهذه النصوص من الكتاب والسنة استعمالهم لها برد ما أشكل فهمه منها إلى فهم السلف الصالح. Cette première cause qui est la suivante, les gens de la sunna s'accordent et s'unissent autour de cette base qui est primordiale, essentielle, fondamentale, le respect et l'application des textes du Coran et de la Sunna. Ils se dirigent en fonction des textes. Ils suivent ce que les textes leur indiquent. Ils n'augmentent rien en ce qu'on trouve dans les textes. Et ils n'en diminuent rien également. Et ces textes-là, ils sont donc du Coran et de la Sunna lorsqu'ils sont utilisés et qu'il y a ambiguïté dans leur compréhension, alors ils reviennent à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça donc, c'est la première cause dans cette application, dans cette observation de cette base-là, qui va faire que les gens de la sunna vont s'unir sur la vérité, à l'al-haq. Des exemples, ils sont nombreux, et principalement dans la croyance. Al-aqida, al-tawhid, fi tawhid al-uluhiyya, fi tawhid al-rububiyya, fi tawhid al-asma'i wa-sifat, comme pour l'unicité dans l'adoration d'Allah, tawhid al-ibad al-uluhiyya, dans l'unicité d'Allah Azzawajal, dans la souveraineté, également dans les noms et les attributs, et pour ce dernier, et pour cette dernière catégorie, ils acceptent, ils comprennent, ils appliquent les textes du Coran et de la Sunna qui nous ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, ils les appliquent comme ils sont venus dans le Coran et la Sunna. En apparence, sans rien ajouter, sans rien diminuer, sans aucune interprétation, sans aucune négation, ils acceptent ces textes et les appliquent et les comprennent comme ils sont venus. Et ce sujet-là a été abordé de manière plus que détaillée dans le livre qu'on a expliqué de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans le livre qui est intitulé « Les règles exemplaires des noms et des attributs ». Al-Qawaid al-Muthla. La deuxième cause de l'union des gens de la sunna, Ahlu sunnati hum ahlu al-ilm al-shar'i, jumlatan wa tafsilan, wa man wafaqahum wa sharakahum, fahuwa bihim yaqtadi, wa ilayhim yarji' fi hal al-mu'dilat, wa al-hukm fi al-mushkilat wa al-nawazil. Cette règle également et cette base, qui est que les gens de la sunna sont les gens de la science authentique, de la science religieuse authentique, globalement et en détail. Et tous ceux qui vont être en accord avec eux et qui y participent, alors ils les suivent dans cela. Ils reviennent à eux, à ces gens de science, Ahlul Ilm, Al-Shar'i, Ahlul Sunnah. Ils reviennent à eux pour ce qui est des problèmes et des situations difficiles que subissent les musulmans. Al-Hukm fin Nawazil, et également le jugement lorsque tout ce qui advient aux musulmans comme problème de manière générale qui touche la société, etc. Ils reviennent à eux dans leur jugement. Ils ne reviennent pas aux gens d'innovation. Ils ne reviennent pas aux gens qui n'ont pas la science dans cela, qui n'ont pas le niveau dans cela. Ils reviennent à qui? Ils reviennent à Al-Sunnati wal-Jama'a. Min Al-Ulama, Al-Rasikhin, Al-Mutamassikin bi-Sunnah. Ils reviennent à eux, rien d'autre. Et cela va les préserver donc de la division, va les préserver de la déviation. C'est un point ici qui est plus que fondamental et qui est d'actualité et qui sera toujours d'actualité. Les gens qui reviennent aux simples prédicateurs, à ceux qui veulent se faire passer pour des mouftis, pour des savants, alors ces gens-là sont dans la perte, dans la perdition, car c'est une question de religion et ce n'est pas une fantaisie. Wallah al-musta'an, on revient en cela aux savants de la sunna, qui sont eux les véritables savants de la législation. Et regardez cette parole de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: la yazalu an-nasu bi khayrin salihin mutamassikin ma atahum al-ilm min ashab Muhammad min akabirihim wa idha atahum al-ilm an asagirihim halaku. Ibn Mas'ud il dit dans ce athar que les gens demeureront, resteront dans le bien, resteront des gens pieux qui sont accrochés à la sunna tant qu'ils reviennent aux gens qui ont suivi la sunna parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Min akabirihim, et le terme min akabirihim, comme l'ont expliqué beaucoup de savants, ils l'ont expliqué par cette signification Ahl Sunnah. Yani akabirihim an akabirihim ou min akabirihim, yani min Ahl Sunnah. Donc ceux qui ont suivi la Sunnah, qui ont suivi les Sahaba, min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ces gens-là vont prendre la science, an asagirihim halaku. Et le terme ici an asagirihim, comme cela également est venu l'explication des savants de la sunna, ils ont dit ahlul bid'ah, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Lorsqu'ils vont revenir à ces gens-là, halaku, ils seront dans la perdition. Ça, c'est la parole du sahabi al-jalil Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et n'oubliez pas que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a expliqué le hadith concernant At-Taifatul Mansoura, et on sait que l'explication des hadiths de l'imam al-Bukhari et ses compréhensions, on les trouve dans les titres qu'il a donnés à ses chapitres. Et lorsque l'imam al-Bukhari a parlé de At-Taifatul Mansoura, il nous a rappelé dans plus d'un chapitre que ce sont Ahlul Ilm, les gens de la science. Hum Ahlul Ilm, les gens de la science. Et les gens de la science, comme on l'a cité, avec leurs spécificités, leurs particularités. Également, écoutez bien cette parole du calife bien guidé, le quatrième d'entre eux, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu. Écoutez bien cette parole, ce athar de lui. Écoutez-le et écrivez-le avec de l'or. Il nous dit, Ali ibn Abi Talib, An-nasu thalath. An-nasu thalath. Les gens, ils sont de trois catégories. Alimun Rabbani. Muta'allimun ala sabil al-najah. Wal-baqi hamajun ri'a' atba'u kulli na'iqin. Hamajun ri'a' atba'u kulli na'iqin. Quelles sont ces trois catégories que nous cite le calife bien guidé Ali radiallahu ta'ala anhu. Il nous dit alimun rabbani. Al-alim, celui-là c'est le savant. Faqih ahli sunnah. Manfa'atu li nafsi wa li ghayrihi. C'est celui donc, le savant des gens de la sunnah, celui qui a al-fiqh fi din, et dont son utilité pour lui-même et également pour les autres. Et le terme al-rabbani wa al-rafi' al-daraja fi al-'ilm, c'est celui qui a un haut degré dans la science. Et Ibn al-Arabi, il nous rapporte que idha kana ar-rajul 'aliman 'amilan mu'alliman qila lahu hadha rabbani. Lorsque la personne, lorsque l'homme, il est savant, il applique sa science dans ses actes et ses paroles et qu'il l'enseigne ensuite, alors on dit de lui que c'est un rabbani. Yurabbi an-nas bil-'ilm wa yurabbihim bihi kama yurabbi at-tifla abuhu. C'est-à-dire donc qu'il éduque les gens avec la science, comme le père il éduque son enfant. Et Saïd ibn Jubir il nous dit wal faqih al alim al hakim. Donc c'est celui dont Allah lui a donné la compréhension de la religion. C'est le savant. C'est le al hakim, celui dont Allah lui a donné la sagesse. Ensuite la deuxième catégorie huwa al muta'allim ala sabil al najah. Parmi ceux qui ont dit من لم يكن من أهل العلم قاصدا بعلمه النجاح المخلص في تعلمه العامل بما بما تعلمه وبما علمه المتعلم ما ينفعه فهذا متعلم أخذ عن علماء أهل السنة ما يجعله يفعله من الأوامر على بصيرة ويترك النواهي على بصيرة وعالة على أهل السنة عالة على أهل السنة. Donc c'est celui qui va apprendre pour se sauver, pour sauver son âme, pour sauver soi-même. Ceux qui ont dit qu'il ne fait pas partie de la première catégorie, c'est-à-dire des gens de la science, parmi les savants, mais qui a pour intention dans son apprentissage de se sauver. Il est sincère dans cela, il est sincère dans son apprentissage. Il veut par son apprentissage appliquer ce qu'il apprend. Et il apprend ce qui lui est bénéfique. Ça c'est al-muta'allim ala sabil al-najah. Il a pris la science des gens de la sunna qui va lui permettre donc de faire ce qu'Allah lui a obligé avec clairvoyance ala basira et de délaisser ce qu'Allah lui a ordonné de délaisser ala basira avec science. C'est celui donc qui suit les gens de la sunna parmi les savants et il en est dépendant parce qu'il a besoin d'eux pour qu'il lui monte le chemin, pour qu'il lui monte ce qu'est al-manhaj, la voie à emprunter et à appliquer dans sa vie de tous les jours, dans sa religion. Ensuite, le troisième ou la troisième catégorie de gens que Ali radiallahu ta'ala anhu nous a cité, c'est la suivante: ri'a'un aw hamajun ri'a' atba'u kulli na'iqin. Que veulent dire ces termes? Le premier, Hamaj. On dit Hamaj, on peut citer des insectes. Ou alors certains disent comme les papillons, des papillons qui tombent dans le feu, qui s'écrasent dans le feu. Taqar fi an-nar. Wa ri'a' yani al-ghawra min an-nas wa suqqatuhum kama dhakara Ibn al-Athir. C'est-à-dire la masse des gens. Al-muhmilun li anfusihim. الرادون الرادون بالدنيا والحال الخسيسة التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. Donc ces gens qui ont délaissé l'apprentissage, qui ne portent aucun intérêt à l'apprentissage de la religion, qui sont satisfaits de leur état dans cette vie d'ici-bas et de leur vil état, dans leur bas état, où il n'y a pas d'autre étape après cela dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Ayadan billah. Atba'u kulli na'iqin. Donc ces gens-là qui suivent un na'iq. Que veut dire ce terme un na'iq? Qui vient du verbe na'aqa yan'iq. Huwa sa'i'h. C'est celui qui crie. Yuqal na'aqa ra'i bil ghanam yan'iqu idha sa'ha. Et donc ici, une métaphore ou une parabole qui est forte du calife Ali radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il compare ces gens à ce genre de personnes ou à ce genre d'insectes qui suivent le premier venu. An-na'iq, c'est celui donc qui crie. Et c'est pour ça qu'on dit de celui qui fait paître le troupeau, on l'appelle na'iq, parce qu'il crie sur ses bêtes. Pour que les bêtes le suivent, il est obligé de crier. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim il nous dit « Man sahabihim wa da'ahum tabi'uh » Celui donc qui va crier, celui qui va les appeler, il va les suivre. « Sawan da'ahum ila al-huda » أو إلى الضلال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون أو بالذي يدعون إليه أحقه أم باطل فسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام بالأنعام التي ينعق بها الراعي. Donc c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim nous a dit ici, il y a une métaphore qui est forte, c'est-à-dire qu'il a comparé ces gens comme aux troupeaux qui suivent donc cette personne qui crie. Cette personne qui les a appelés les premiers à suivre une voie, que cette voie-là, elle soit dans la vérité ou alors qu'elle soit dans l'égarement, ils n'en ont aucune science, car ils ne peuvent faire la différence. Ils ne peuvent faire la différence entre ces deux voies. Et bien entendu, un na'iq, lorsqu'on dit qu'il crie, c'est quelqu'un donc qui peut être éloquent, qui a des belles paroles, qui sait appeler les gens par la parole. Et donc, ces gens-là, du fait ils ont trouvé cette personne, alors ils le suivent. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup ces exclamations par rapport aux prédicateurs et autres, lorsqu'il dit « Regarde ce frère, comme il a de l'éloquence, regarde comme il parle bien, mashallah, tabarakallah. » Ça a suffi pour qu'ils le suivent, sans savoir même quelle est la voie qu'il a empruntée, si c'est dans l'égarement ou alors si c'est « muafiq » ou « muafiqun li sunna », si c'est donc un accord, si ça correspond au chemin de la sunna. Le fait qu'il a une belle parole, qu'il est éloquent, qu'il sait bien parler, c'est un imam auprès d'eux. Il est devenu un imam auprès d'eux et ils le suivent. Mais ils ne savent pas, ils n'ont la science pour différencier la sunna de la bid'a. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'il nous dit, chez Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, que ces personnes-là sont ash-shadh. Donc la personne qui est le marginal, shadh. Il dit كل من رفع عقيرته متكلما كلاما يعجب فهو امام عندهم. Yani toute personne qui parle fort, qui a la tchatch comme on dit, et qui sait dire des paroles qui plaisent, alors c'est un imam auprès d'eux. Il devient un imam auprès d'eux. Même s'il contredit la sunna dans ses faits, dans sa da'wa et dans ses actes. حتى اذا كان ينفث من البواطل والبواقع ما يخرج عن اهل السنه وحتى قد يتكلم بالكفريات ليس عنده ما يميز بين الحق ما يميز بين الحق والباطل. C'est-à-dire donc que cette personne-là elle va peut-être même parler avec des choses qui sont de l'égarement pur et qu'il le fait sortir des gens de la sunna de par ses paroles. Il peut même parler encore avec ce qui est du domaine de la mécréance, ayadan billah. Donc le premier des catégories, c'est Al-Wasil, c'est Al-Wasil, c'est-à-dire celui qui a fait parvenir le bien, qui a enseigné la sunna par le biais de la science, qui l'a pratiqué en lui et qui a appelé à elle. Le deuxième, c'est At-Talib, c'est l'étudiant, celui qui apprend, qui recherche la science pour se préserver, pour être sur le droit chemin. Et le troisième, c'est Al-Mahroum, c'est celui qui est privé des biens, celui dont Allah Azzawajal l'a privé d'un grand bien. Wallah al-Musta'an. Ensuite, la troisième cause qui permet de rassembler les gens de la sunna autour de la vérité, c'est la suivante. يَعْقِدُونَ الْوَلَا وَالْبَرَى فِي ذَاتِ اللَّهِ لَا عَلَى مَصَالِحِ الدُّنْيَا أَوْ تَقْدِيسَ الْأَشْخَاصِ وَلِهَذَا مَنْ أَظْهَرَ السُنَّةِ وَقَرَّرَهَا بِالنُّصُوصِ وَعَلَى فَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ قَرَّبُوهُ وأحبوه ونصروه وإذا عمل بخلاف ذلك عملوا بما يستحق وقد يؤدي الأمر إلى التبديع والتضليل إذا ركب البدع والمحدثات معاندا وإن كان من أشياخهم ومن له فضل عليه الحب عندهم في الله والبغض في الله والمنع في الله والإعطاء في الله. Cette base, qui est également un point fondamental dans le manhaj et le fait de rassembler donc les gens de la sunna, يعقدون الولاء والبراء في ذات الله, c'est-à-dire qu'ils contractent l'aveu et le désaveu en Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, en leur Seigneur, rien d'autre. لا على مصالح الدنيا, non point pour les intérêts de cette vie d'ici-bas. أو تقديس الأشخاص, ou alors d'élever les gens au-dessus de leur rang et de les rendre comme étant des êtres infaillibles qui ne peuvent se tromper et qu'ils les suivent aveuglément même si c'est dans l'égarement. تقديس الأشخاص, vénérer les gens. Et c'est donc dans ce sens que celui qui va faire apparaître la sunna, qui va l'attester, qui va l'appliquer bin nusus, avec les textes, en conformité avec les textes bien entendu, et suivant la compréhension des pieux prédécesseurs, alors les gens de la sunna, ils le rapprochent d'eux, ils l'aiment et ils le viennent en secours s'il a besoin. Et si c'est le contraire qui apparaît de lui, alors leur attitude sera suivant ce qu'il yastahiq, suivant ce qu'il lui revient de droit. Et peut-être même que cela arrivera à le rendre innovateur, le rendre égaré, lorsqu'il va s'atteler à la bid'ah, c'est-à-dire aux innovations, ou al muhdathat, les choses qui n'ont jamais eu lieu dans la religion, et qu'il fait cela mu'anidan, en sachant ce qu'il fait, et qu'il s'entête dans cela. Et même si cette personne-là faisait partie de ceux qui lui ont appris la science, dont il a pu être reconnaissant en un temps, mais s'il fait cela, alors il se détache de lui. Car lui, al-wala wal-bara wa fi dhatillah, c'est pour Allah azawajal, rien d'autre. Fala yustaghrab minhum an yuqarrab rajulun huqba min az-zaman, yani zamanun tawil, thumma ba'da dhalik yarfa'u ahli as-sunnah aydiyahum anhu yu'linun bara'atahum minhu لأن الواسطة بينهم وبينه فصمها بالبدعة والمحدثات. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que des gens de la sunna qui ont été en accord et qui ont été rattachés à une personne durant un long temps, حقبة من الزمن, un long temps, qu'un jour ils se désavouent de lui, qu'ils le délaissent. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement الرابطة, c'est-à-dire donc le lien qu'il y avait entre eux et entre lui, فصمها, il l'a coupé. Lorsqu'il a parlé avec l'innovation, lorsqu'il a attesté l'innovation, lorsqu'il a appelé à l'innovation. Ensuite, après cela, une quatrième cause que l'on cite, qui est la suivante, c'est que les gens de la sunna, ils sont cléments, miséricordieux entre eux, ils sont doux entre eux. Allah Azza wa Jalla yaqul Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah et l'envoyé d'Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants. Ruhama'u bainahum, et ils sont doux entre eux. Et il nous rapporte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, cette parole du prophète authentique, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed wa l'imam wal-Hakim wa sahahu al-Albani. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu ma'alafa la khayra fi ma lam ya'laf wa yu'laf, c'est-à-dire donc que le croyant, il est doux, il est amiteux, et il n'y a pas de bien dans la personne qui n'est pas doux et qui ne sait se faire aimer, qui ne sait se faire aimer des autres. Et il nous dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique, akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan al-muwatta'un aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun wa la khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf. Wa hadithun hasan, c'est-à-dire que le croyant qui est à la fois la plus complète, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Al-Muwatta'un. Que veut dire ce terme Al-Muwatta'un? Qui vient du terme Tawti'a, et qui est Tamhid wa Tadhlil. Al-Tawti'a qui est Tamhid wa Tadhlil. C'est-à-dire donc tout ce qui est en relation avec la serviabilité, la générosité, la patience, qui fait preuve de bon comportement par les qualités apparentes et intérieures. Al-Muwatta'un aknafan. Qu'est-ce que l'aknaf ou al-jawanib? C'est-à-dire les côtés. Et ici encore une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Balirun jiddan. Donc qui est forte dans le sens. Lorsqu'il dit al-Muwatta'un aknafan. Al-aknaf, ce sont al-jawanib, ce sont donc les côtés. Et on dit d'un lit qu'il est donc doux, qu'il est confortable lorsqu'il ne fait pas de mal au côté du dormeur, lorsqu'il dort sur son côté, et lorsqu'il se réveille et qu'il se lève, ce lit-là, il était doux, et donc il ne ressent aucune douleur, bien au contraire. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés. Al-Muwatta'un aknafan. Ceux donc qui aiment et qui savent se faire aimer, qui sont doux envers les autres, et il n'y a pas de bien dans ceux qui sont contraires à cela ou à ses qualités. Et également ce hadith al-mashhur, hadith Abi Moussa radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل عنينا بوجهه فقال يشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. Dans ce hadith où il nous rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les croyants sont entre eux comme un édifice, comme un édifice, yashuddu ba'dhum ba'dha, et donc c'est-à-dire que cet édifice, il n'aurait pu être un édifice si chaque partie n'avait pas été assemblée comme il le faut, et que chaque partie soutenait l'autre partie. Dans ce sens, également encore une métaphore ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prouver donc comment doivent être les croyants entre eux. Et comme nous le rappellent les savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner encore plus d'importance à cette parole, et pour en donner une portée qui va être encore plus importante, shabbaka bina asabiya, c'est-à-dire donc shabbaka, il a relié ses doigts entre eux. Et les gens de la sunna, hum ahaqqu bi hadha al-hadith. C'est-à-dire, ils sont plus en droit par ce hadith, les gens de la sunna. Et on va voir pourquoi ensuite. Après avoir cité la suite ou l'autre partie du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était également assis un jour. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ. Une personne qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela n'était pas en sa possession, أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجِّهِ, c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers nous avec son visage. Et il a dit ishfa'u fal tu'jaru wa liqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha. C'est-à-dire intercédez pour votre frère et vous en serez récompensé. Wa liqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha. Donc les savants, ils nous ont expliqué ici, comme Ibn Battal et d'autres, al mu'awanatu fi umur al-ukhra wa kadha fi al-umur al-mubaha min ad-dunya mandub ilayha. وقد ثبت من حديث أبي هريرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. C'est-à-dire également ici dans ce hadith qu'il y a l'entraide dans les affaires de la vie de l'au-delà, également dans les affaires qui sont du domaine de la permission, le mubaha, dans cette vie d'ici-bas, que tout cela donc c'est mandoub, c'est recommandé. Et il était attesté du hadith de Abi Huraira qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'être dans l'aide de son serviteur tant qu'il est lui-même dans l'aide de son frère. Et donc la personne qui va faire l'intercession pour son frère, il en aura la récompense. وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ مَا شَاءَ, c'est-à-dire donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui avant tout et après tout qui va donner lieu à ce qui était demandé, c'est-à-dire qu'il va l'apporter ou qu'il ne va pas l'apporter, qu'il va atteindre l'abdou, ce dont il a demandé, ou qu'il ne va pas l'atteindre. Mais ce qui est important, c'est d'intercéder, c'est donc d'essayer pour son frère, et il en aura la récompense. Et ici on fait une parenthèse pour un hadith qui est non authentique de par donc son isnad, et qui est le hadith de Ibn Abbas, et qui est le suivant: من سعى لأخي المسلم في حاجة قضيت له أن لم تقضى غفر له. C'est-à-dire celui qui s'empresse de faire suite donc à la demande de son frère en ce qu'il avait besoin, et que ensuite cela soit complété par le qada d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non, alors il sera quand même pardonné. Ce hadith, il est da'if. Et donc on profite également, ou on comprend dans ce hadith que tout, kullu shay bi taqdirillah azza wa jalla wa qada'i, que tout donc dans cette vie passe par al-qadar ou al-qada. Lorsqu'on a dit que al-sunna akhassu bil hadith, limada? Pourquoi on dit donc que les gens de la sunna, c'est ceux qui sont ici encore plus spécifiés par ce hadith là? C'est ceux qui sont le plus concernés par ce hadith là. Pourquoi cela? لأنهم يقولون بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. Car ils disent la vérité. Quel que soit l'état ou les causes, ils disent la vérité. Ils ne regardent pas ce qui va en découler, les conséquences. Si on va parler sur eux ou pas, si on va les critiquer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, خطأ المخط منهم لا يخلو من حالين. C'est-à-dire donc que l'erreur et la faute de la personne représentent deux cas. Le premier cas, إِذَا كَانَ الْخَطَى, donc ça concerne l'erreur qu'a fait la personne. خَطَى الْمُخْطِي لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ. Le premier, إِذَا كَانَ الْخَطَى مِنْ مَجْرَى الْإِجْتِهَادِ وَمَسَارِعِ الرَّأْيِ وَالنِّزَاعِ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عِنْدَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ ما يسوغ مذهبه يبين ما يرجح مذهبه ولا يثرب على الآخر. La première chose, c'est qu'on va regarder donc par rapport à l'erreur qui a été faite par la personne. Cette erreur là, c'est, elle fait partie du domaine de al-ijtihad. Tout le monde sait ce qu'est al-ijtihad, qu'on a cité maintes fois, qu'on a expliqué maintes fois, et qui est du domaine de l'avis, où il peut avoir divergence, et que chaque partie à des preuves qui lui permettent d'avancer son madhab, son avis, ce qui a été choisi, et qu'il met donc en évidence ce qui est auprès de lui la parole la plus forte. Alors cela, on ne peut rien dire, même si la parole est faible. Mais tant que ça fait partie du domaine où il y a al-ijtihad qui est possible, alors on ne peut être dur avec la personne qui a été à l'opposé de notre avis, tant que ça reste dans ce domaine-là. Et la deuxième partie, ou le deuxième cas et le deuxième domaine, laysa fihi majal al-ijtihad muqabil nass usul furu' mujma' alayh. Dans le deuxième cas, c'est le cas donc ici où ce n'est plus du domaine de l'ijtihad, que ça va aller en l'encontre d'un texte du Coran ou de la Sunna, d'une base ou même d'une branche qui est mujma'un alayh, attestée unanimement par les savants. Alors à ce moment-là, ils vont regarder deux choses, les gens de la Sunna. Ils vont regarder al-mukhalafa ou al-mukhalif. Ils vont regarder donc cette mukhalafa, cette violation, et ils vont regarder également l'état de al-mukhalif, de celui qui est l'auteur de cette erreur. Pour ce qui est de al-mukhalafa, c'est-à-dire cette déviation, la yaqbaluna bihal wa la yubarrirunaha wa la yujadiluna li taswighiha ولا يولون الأشخاص ما دام مخالفة. C'est-à-dire que le mukhalafa, il ne l'accepte en aucun cas, et il ne lui trouve pas des excuses. Ils ne vont même pas discuter à propos d'elle afin de la faire accepter ou autre, et ils ne vont pas aimer ou détester les gens à cause d'elle, du temps que c'est une mukhalafa. Voilà ce qu'on font les gens de la sunna avec al-mukhalafa. Pour ce qui est de al-mukhalif, pour ce qui est de celui qui a commis cette violation, هذه المخالفة ينظرون إلى حاله ولا يخلو من حالين. Ils vont regarder donc son cas. Quel est le cas de cette personne? Et le cas de cette personne, il ne peut être que de deux. Le premier cas, رجلون هو من أهل السنة لكن أخطى وزلت به القدم فقرر هذه المخالفة فهذا مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع بأن الصواب خلافها فإنهم لا يتابعونه على زلته ويحفظون كرامته ويصونون عرضه إلا إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعادي فهو يخرج من السنة يخرج من السلفية أما ما دام مصر على ما رآه من ظنونه فلا يمقتونه الإمام فلان أخطأ والحق خلاف ذلك هذا والمنقول عن الصحابة عن السلف لا يقبلون المخالفة إذا كانت منقشرة نشروه نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه وإذا كانت هذه المخالفة في مجلس خاص ردوها في مجلس خاص. طيب. Le premier cas, c'est la personne qui fait partie des gens de la sunna, mais qui a fait une erreur. Zallat bil qadam. Il a attesté cette mukhalafa. Qu'est-ce que font les gens de la sunna avec cette personne-là? En même temps qu'ils vont réfuter cette erreur avec la preuve qui ne fait aucun doute, avec la preuve, avec une preuve tranchante, et qui vont démontrer donc que la vérité c'est son contraire, en même temps de cela, ils ne le suivent pas dans ce qu'il a dit comme erreur. Mais il protège son honneur, il ne parle pas sur lui. Sauf dans le cas où il va aller plus loin que cela. إِذَا عَانَدَ وَكَابَرَ وَأَصَرَّ وَأَصْبَحَ يُوَالِي وَيُعَادِي. C'est-à-dire, sauf dans le cas où il va s'entêter. Et il va commencer à aimer, à détester les gens par rapport à cette mukhalafa. C'est-à-dire ceux qui vont le suivre dans cela et ceux qui vont ne pas le suivre dans cela. Alors à ce moment-là, elle va sortir de la salafie, elle va sortir de la sunna. Par contre, si lui, il continue à voir ce qu'il a attesté, min dhununi, donc de par son interprétation à lui, alors ils disent cette personne-là, c'est un imam, mais il a fait une erreur et on ne peut lui suivre dans cela. Et il ne donc n'acceptant rien al-mukhalafa. Si cette mukhalafa maintenant, elle est devenue apparente, c'est-à-dire que sa parole à lui, elle a été dite à même al-mala, c'est-à-dire devant tout le monde, et que ça s'est propagé. Alors à ce moment-là, les gens de la sunna doivent faire ce rad, cette réfutation, de la même manière. Par contre, si cela apparaît de cette personne dans une majlis, fi majlisin khas, c'est-à-dire donc dans des assises qui sont fermées, closes, alors le rad il se fait de même, sans même donc le propager. On en reste là. Ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, al-mubtadi' ad-dall, asasuhu mabni 'ala al-bid'ah. Celui donc qui est un innovateur, qui est un égaré et dont les bases, ses bases sont construites, sont édifiées sur l'innovation. Hadha la karamata lahu 'indahum. Lakin yaslukun al-maslakayn. Cette personne-là, il n'a aucun honneur auprès d'eux, auprès des gens de la sunna, cet innovateur. Mais dans son cas, ils vont emprunter deux manières de faire. La première manière, Radd al-bid'ah bi-shidda. Radd al-bid'ah bi-shidda. C'est-à-dire donc qu'ils vont réfuter l'innovation avec force. La deuxième, التشنيع وشدة النكير والتحذير والإغلاظ في القول حتى يحذر الناس إلا إذا كان أهل السنة في ضعف وقلة وليس لهم شوكة ولا صولة يسلكون جانب المدارات مع هذا المبتدع. C'est-à-dire donc la deuxième manière de faire ici, et qui est un complément donc à la première, ça ne veut pas dire deux manières qui sont différentes, non, qui est un complément à la première, c'est-à-dire donc qu'ils vont réfuter cette personne même, qu'ils vont mettre en garde contre lui, et qu'ils vont être durs envers lui, pour mettre en garde les gens, pour qu'ils ne le suivent pas dans son égarement. Ça, c'est dans le cas où les gens de la sunna ont la capacité, sont en force. Par contre, s'ils sont dans un état de faiblesse, s'ils sont dans un état de faiblesse, qu'ils sont un nombre très restreint, qu'ils sont très peu face aux gens d'innovation, et qu'ils n'ont pas de force, qu'ils n'ont pas d'autorité, alors à ce moment-là, ils vont emprunter la voie de ce qu'on appelle al-mudarat, ma'ad al-mubtadi', avec cet innovateur. Qu'est-ce que veut dire le terme mudara? Et qu'est-ce que veut dire le terme Al-Mudahana également, deux termes que l'on voit souvent dans nos religions. Lorsqu'on entend le terme Al-Mudara ou Al-Mudahana, quelles sont la différence entre ces deux termes? Deux termes qui sont importants à comprendre et à savoir. Et c'est ce qu'on va, Inch'Allah, expliquer le prochain cours, Ibnillahi Ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.